13-34, activation orale, dialogue entre le professeur et une jeune fille. Vous allez entendre une conversation entre le professeur et une jeune fille. Écoutez attentivement. Vous allez apprendre les réponses de la jeune fille. Quel âge avez-vous ? J'ai 21 ans. Vous êtes étudiante ? Oui, je suis à l'université. Qu'est-ce que vous faites comme étude ? Je fais des lettres. Et que pensez-vous de la psychanalyse ? La psychanalyse ? C'est intéressant. Maintenant répétez. Quel âge avez-vous ? J'ai 21 ans. Vous êtes étudiante ? Oui, je suis à l'université. Qu'est-ce que vous faites comme étude ? Je fais des lettres. Et que pensez-vous de la psychanalyse ? La psychanalyse ? C'est intéressant. Et maintenant, c'est à vous. Répondez. Quel âge avez-vous ? Vous êtes étudiante ? Qu'est-ce que vous faites comme étude ? Et que pensez-vous de la psychanalyse ?